Votre club, les Girondins de Bordeaux, votre cœur, Marine et Blanc, et votre émission, c'est Girondins Analyse, et c'est tout de suite sur LNG à Bordeaux en 90.7. Tir de Baptiston. Oh, le but! Oh, le but de Baptiston! De loin. Un but fantastique de Baptiston de 30 mètres. Allez, 3 contre 3, si Panucci ne revient pas. Ouh là là, Zidane qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Allez, frappe, et but! Oh là là, quel but de Christophe Dugarry, 3-0 pour Bordeaux. Est-ce qu'il faut se pincer, Michel? Feindouno, il y est! Et but à l'instant face au Paris Saint-Germain. Les Girondins de Bordeaux, regardez la joie sur le banc et sur la pelouse. L'hippope est à terre. Il est complètement recouvert par les joueurs et par les dirigeants et les supporters de ce club des Girondins de Bordeaux. Avec Salmé, avec Gourcuff, oh, oh, deux fois, oh, oh, exceptionnel, Johan Gourcuff, quel but. Allez, régalez-vous. Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Girondins Analyse RIG 90.7 FM, RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis pour une nouvelle saison jusqu'à 23h. On est très heureux de vous retrouver après un petit mois ou un mois et demi de pause, bien mérité pour certains. Alors non, c'est pas un mois et demi de pause, mais je pense que c'était le meilleur moyen de pas flinguer mon intro. Tu l'imites super bien. Franchement, il est fort, il imite super bien, Seb. Qu'est-ce que vous croyez, Seb, Le talent. Après, t'as imité Pierre Ménès. Que comme ça, c'est... Pff, je m'aime tout seul. Vous allez bien, messieurs? Ça va. La baisse. Alors, ce la soir, baisse. Cyril est avec moi. Bonsoir, tout le monde. Mon petit Bobby Enzo, ça va? Ça va, nickel. Adrien est là. Ça va. David. Salut, ça va? Ça va. Et Thibaut est là. Bonsoir. Ce soir, on est ensemble jusqu'à 23h pour parler des Girondins de Bordeaux. On va pouvoir dire à notre invité de nous appeler. Donc j'ai oublié son nom d'ailleurs, Cyril. Dominique Bailiff, ou c'est le journaliste de Samba Foot France, donc une référence en matière de football brésilien. Il est aussi correspondant chez SFR. Donc c'est quand même sport, la chaîne. Oui. Pas... Ouais, chez SFR, non, il vous répond pas, c'est un problème de boxe. Et l'autre, il arrive, première blague, il flingue la mission. On va arrêter avec toi. Merci, c'était cool toutes ces années. Et donc du coup, voilà, très grosse émission ce soir puisque donc on reçoit donc Monsieur Bailiff pour parler du football brésilien et notamment à Bordeaux puisque au cours des dernières heures, Thibaut avait ramené une première photo. Ça a été sur Otavio qui était à l'aéroport à Bordeaux. Donc vous pouvez voir ça sur les comptes Twitter de Girondin 33, sur tout ça. Donc, vous avez l'habitude des comptes Girondin 33, Girondin Analyse. Par la suite, après Monsieur Bailiff, nous avons enregistré en fin d'après-midi une petite interview avec Pierre Ménès. Ouais. Et en deuxième partie, nous ferons notre après-match sur Angers. Puis un petit sekiki que je vais vous concocter comme si je m'appelais Sébastien Quintenzo, ça va vous déchirer les mamelles. Ce soir, c'est d'un autre monde. Est-ce qu'on a notre invité au téléphone? On a notre invité au téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Bailiff. Oui, bonsoir à tous. Là, il est en train de se demander où c'est que j'ai atterri. Non, pas du tout. Donc, monsieur Bailiff, comme je vous présentais, vous gérez le site simple, le site par excellence pour le foot brésilien. Donc, tout amateur de foot brésilien vous connaît. On espère en tout cas. Donc, comme je disais, donc on a beaucoup d'actualités cet été, notamment entre le Brésil et Bordeaux. Tu veux dire que les trois quarts des transferts, rumeurs transferts se font avec le Brésil. C'est ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui se passent avec le Brésil. La première chose qui nous intéresse, c'est pas forcément Otavio. C'est il y a eu une brève en fin d'après-midi, notamment au Brésil, qui annonce que Pablo, les contacts auraient repris un peu plus sérieusement avec Corinthians. Est-ce que vous avez des nouvelles sur cette avancée-là, sur la situation de Pablo à proprement parler? Oui, bien sûr. Alors, il y a eu une information qui a été dévoilée par Globo Esporte aujourd'hui et confirmée par le directeur sportif du Corinthians, qui est Flavio Adauto. Et donc il s'exprimait sur le cas Pablo, et aujourd'hui la tendance serait à la prolongation du prêt de Pablo sur 6 mois encore, c'est-à-dire que à la base son prêt devait se terminer au Corinthians en décembre 2017, Et visiblement, là, les négociations auraient repris pour prolonger ce prêt jusqu'en juin 2018 avec Bordeaux. Et qu'en est-il de la clause de, parce qu'il me semble qu'ils avaient une clause, une option d'achat, c'est ça? Une option d'achat exactement prioritaire jusqu'au mois de juillet, qui était à hauteur de 3 millions d'euros. Mais désormais, là, donc, visiblement, cette clause n'a pas été respectée. Mais suite aux dernières discussions qu'il y a eu entre les deux clubs, là, ce serait donc la prolongation d'un prêt de 6 mois plus un transfert définitif qui s'élèverait à 1,2 million d'euros. Ça, c'est les informations données aujourd'hui par Globo Esporte. Donc, ce serait 1,2 million pour le transfert de Pablo plus 15% des droits de Malcolm. Et donc, ça, ce serait soit payé en décembre, soit sinon l'année prochaine par le Corinthians. On peut comprendre que Bordeaux retard de 6 mois de plus parce que ça dégage une place d'extra communautaire aux Girondins puisque le premier joueur prêté ne compte plus, les autres par contre compteront, mais j'ai du mal à croire que les Girondins prolongent le prêt comme ça alors que certains joueurs des Corinthians intéressaient Bordeaux. Est-ce que là-dessus aussi ça a bougé ou est-ce qu'on est toujours au statu quo? Non, c'est toujours le statu quo sur d'autres joueurs qui sur Arana notamment. Voilà, exactement, qui pourraient entrer dans la balance. Là aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'informations. Là, c'est vraiment le cas Pablo même qui a été évoqué par le directeur sportif du Corinthians, qui indique bien qu'il y a eu un accord avec Bordeaux sur ce sujet-là. Alors maintenant, on attendra la confirmation des deux côtés. Mais aujourd'hui, c'est vraiment l'information qui se dégage du côté du Brésil, c'est que ce prêt de Pablo devrait être prolongé jusqu'en juin 2018 avec un transfert définitif à hauteur de 1,2 million d'euros. Sans contrepartie, sans d'autres joueurs dans la balance, à savoir Guilherme Arana notamment. Moi, ce qui m'étonne énormément, c'est que j'ai l'impression, en ayant suivi le prêt de Pablo de loin, donc vu de France, qui fait plutôt 6 bons premiers mois. Il me semble même qu'il a fait partie du 11 type du championnat de São Paulo, c'est ça? C'est ça, exactement. Et Corinthians n'arrive pas à lever une option d'achat de 3 millions. C'est quand même étonnant. Et que Bordeaux ne cherche même pas à essayer de le vendre plutôt qu'à un autre club, c'est quand même quelque chose qui, moi, personnellement, me surprend. Oui, après, c'est vrai qu'il y a, on va dire, des relations entre les deux clubs, à savoir avec notamment le transfert de Malcolm il y a déjà plus d'un an et demi. Il y a aussi donc ce transfert qui prend du temps avec Pablo, donc je pense aussi que les relations sont assez bonnes entre les deux clubs. C'est vrai que le Corinthians n'a pas énormément de moyens financiers, même s'ils ont vendu des joueurs lors de cette intersaison, et notamment un jeune attaquant, Léo Jabba, en Russie, donc qui a permis de faire entrer dans les caisses 3 millions d'euros. Mais aujourd'hui, oui, le club du Corinthians, alors je ne sais pas s'ils jouent la montre ou pas, mais visiblement, ils se sont entendus avec les dirigeants de Bordeaux sur ce montant de 1,2 million. Donc c'est vrai que là, on est passé de 3 millions à 1,2 million, plus donc les 15% concernant Malcolm. Donc ça, aujourd'hui, ça peut paraître étonnant, mais visiblement, c'est ce qui va se passer. Tout en sachant que Pablo, effectivement, s'est imposé comme un titulaire dans cette formation depuis son arrivée, même s'il y a toujours ces problèmes musculaires qui l'ont empêché de participer à plusieurs rencontres, dont les dernières, puisqu'il est blessé actuellement et il devrait reprendre la compétition seulement à la fin du mois. D'ailleurs, sur Malcolm, pour nos éditeurs qui ne sont pas habitués, au Brésil, il y a plusieurs droits sur le joueur. Il y a les droits sportifs et les droits financiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça un petit peu, ce système de copropriété, s'il vous plaît, comment ça se passe, notamment sur Malcolm? On dit souvent que Bordeaux a 100% du joueur, mais dans la réalité des faits, ils doivent encore 50%, c'est ça? Oui, exactement. En fait, ce qui se passe avec Malcolm et sur la plupart des joueurs brésiliens, en règle générale, ils n'appartiennent pas à 100% au club dès le départ, au club brésilien. Là, c'était le cas pour Malcolm, comme d'autres joueurs. Et la formation de Bordeaux a normalement, je dis bien normalement, acheté l'intégralité des droits, c'est-à-dire les 100%. C'est-à-dire, sauf que le Corinthians s'est tout de même gardé un certain pourcentage en cas d'une prochaine revente. Et donc, c'est ce pourcentage-là dont on parle, notamment sur les 15%, qui entrerait dans le cadre du transfert de Pablo concernant Malcolm, c'est-à-dire que le Corinthians laisserait 15% à Bordeaux, donc d'une prochaine revente, donc réclamerait moins de 15% sur les droits qu'ils ont encore concernant le joueur sur un prochain transfert. Et concernant ce pourcentage-là, justement, il n'y a pas d'autres pourcentages qui sont détenus par un autre consortium? Non, c'est-à-dire que là, à partir du moment où le joueur arrive en France ou arrive en Europe, mais notamment en France, puisque la tierce personnalité est interdite, propriété plutôt est interdite, les clubs français donc, s'engagent à payer donc, un certain montant pour avoir l'intégralité des droits du joueur. Donc il n'y a pas de pourcentage qui reste encore à l'argent ou à d'autres sociétés. Donc vous confirmez ce que Jean-Luc Triot a toujours dit et redit lorsqu'il parlait des transferts des Brésiliens à Bordeaux. Oui, voilà. Oui, il confirme. Je ne fais qu'appuyer. Donc là, les 15%, on est d'accord, on a 100% du droit du joueur économique et à la revente, on aura 100% qui rentreront dans les caisses girondines. C'est exactement ça. Voilà. Si jamais l'accord est passé. C'est pour ça qu'il me semblait qu'il restait encore 15% à côté. Okay. On va passer sur Otavio. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation brève sur lui, sur son profil, sur comment il est en tant que joueur, comment il est dans le vestiaire? Et faites en sorte, vous imaginez qu'on connaît rien de lui. Ce qui est le cas. D'accord, il faut savoir qu'Otavio, il a fait toute sa formation à l'Atlético Paranaense, c'est vraiment un joueur du cru. Rapidement sur sa fiche, il a 23 ans et en termes physiques, c'est 1m76 pour 73 kg. C'est tout de même l'une des valeurs sûres. Ce poste-là de récupérateur au Brésil depuis 2 ans. C'est un joueur qui s'est vraiment révélé il y a 2 saisons, en 2015 avec l'Atlético Paranaense. Pour vous donner une idée, hein, l'année dernière, il a disputé 60 matchs comme titulaire dans cette formation de l'Atlético Paranaense. Et cette saison, il en est déjà à 30 matchs comme titulaire avec cette équipe. Donc à chaque fois qu'il joue, il est vraiment aligné dès l'entrée de jeu. Et c'est un joueur qui ne se blesse que très rarement. Donc je pense que pour la visite médicale, déjà, ça pourrait vous rassurer. Normalement, il n'aurait pas eu de soucis. À ce niveau-là, c'est un joueur On a déjà un sur le chat qui se demandait si on lui avait pas balancé des fausses rumeurs en lui disant que ça passait déjà pas la visite médicale. Non. Pour lui, je peux vous rassurer, là, sauf gros pépin de dernière minute. Voilà, c'est un joueur qui est en parfaite condition physique et il ne se blesse que très rarement durant les dernières saisons pour lesquelles il a joué avec l'Atlético Paranaense. Après, au niveau de son style de jeu, c'est un vrai numéro 6, un vrai récupérateur agressif sur le porteur du ballon. Sa qualité première, c'est vraiment de récupérer dans les pieds, mettre beaucoup d'intensité à l'impact, même si c'est pas un grand gabarit, c'est un joueur qui n'hésite pas à aller au contact et qui a une activité qui est assez incroyable pour ce joueur-là, notamment au Brésil, parce qu'on sait souvent que certains joueurs brésiliens, au niveau de l'intensité, au fil de la rencontre, ça peut baisser. Lui, c'est vraiment du début à la fin, c'est un joueur infatigable. Dans ce rôle de numéro 6 aujourd'hui, moi, je le considère comme l'un des deux meilleurs au Brésil, en tout cas au niveau à son âge et qui évolue dans le championnat brésilien à son poste. Est-ce qu'il a de la vitesse? Parce que c'est quelque chose qui manque à l'heure actuelle à Bordeaux, notamment dans l'axe à Bordeaux. On a un gros déficit de vitesse. Est-ce que on pourrait dire que Otavio est un joueur rapide? C'est un joueur rapide dans le sens où il arrive à se projeter vers l'avant et effectivement il a des qualités de vitesse. Alors c'est pas non plus son point fort. La vitesse, c'est pas sur ce point-là où il se démarque, mais c'est un joueur qui peut quand même avoir la vitesse requise pour la Ligue 1 et qui pourra faire aussi des différences à ce poste-là si on le compare aux autres joueurs peut-être de l'effectif bordelais aujourd'hui. Mais c'est vrai que en termes de au niveau de ses qualités, la vitesse en fait partie aussi. Balle au pied et techniquement surtout, c'est un joueur qui se classe dans la moyenne ou c'est un joueur qui techniquement est adroit? Je vous pose cette question parce que généralement le prototype du 6 en Ligue 1, il est grand, costaud, il récupère des ballons, mais alors après, une fois qu'il a le ballon dans les pieds, le pauvre, il sait plus quoi en faire, quoi. Ouais, non, là, c'est vraiment pas le cas d'Otavio. C'est vraiment un joueur qui, balle au pied, sait faire aussi des différences par la passe et aussi par une conduite de balle ou même par les dribbles. C'est vrai que c'est pas sa fonction première non plus de dribbler, mais ça lui arrive souvent de se retrouver aux abords de la surface suite à des décalages ou même des différences faites balle au pied. Donc à ce niveau-là, vous pourrez être assuré au niveau des Girondins de Bordeaux. C'est un joueur qui, avec le ballon, ne sera pas embêté. Si vous deviez faire une comparaison, à toute proportion gardée, bien sûr, mais dans le style du jeu à un récupérateur qui serait mondialement connu, je vous balance ça parce que quand la rumeur est sortie, on nous a parlé un petit peu du style Makelele. Quel joueur se rapproche de son style de jeu? Parce que je suppose que vu sa taille, etc., c'est pas un Alou Diarra ou un Patrick Vieira, quoi. Bien sûr, oui. Alors, à la différence d'un Makelele, moi je pense qu'aujourd'hui, il a peut-être moins de puissance physique que Makelele, mais il peut faire plus de différence techniquement, même si Makelele, à ce niveau-là aussi, il était très bon. Mais alors vraiment, toute proportion gardée, vraiment pour faire une comparaison avec des joueurs de Ligue 1, aujourd'hui, c'est un gratteur de ballon à l'image d'un Verratti au Paris Saint-Germain. Alors, je dis bien toute proportion gardée, parce qu'ils n'ont vraiment pas le même niveau, mais ça ressemble vraiment à ce profil-là, à savoir un joueur qui peut être dynamique, qui sait faire des différences balle au pied, qui a très bon jeu de passe. Alors peut-être que le jeu long est un peu son point faible, mais au niveau du jeu court et au niveau de la récupération, à ce niveau-là, il y a pas photo aujourd'hui. Je pense très bien. Que ça devrait être l'un des meilleurs à son poste. À titre de comparaison aussi, on le découvre que maintenant du côté de Lille, il est arrivé cet été, mais un joueur comme Thiago Mendes, Otavio, c'est un peu ce style de joueur-là, c'est-à-dire très tonique, très puissant, et qui a une activité assez énorme au milieu de terrain. Mendes, Bielsa l'utilise comme relayeur. Ouais, il l'utilise pas forcément comme pointe défensive, ouais. Enfin, pointe basse. Nous, à Bordeaux, on a vraiment besoin de cette pointe basse. Hein. Ah oui, alors, c'est pour ça que je prenais Thiago Mendes comme comparaison au niveau du style de jeu. Mais après, dans la fonction, dans le rôle qu'il aura dans l'équipe bordelaise, Otavio, lui, c'est vraiment un vrai numéro 6 devant la défense et qui a besoin d'un relayeur à ses côtés puisqu'il a toujours évolué avec un relayeur. Mais c'est pas son style de jeu ne sera pas relayeur, ça c'est sûr. D'accord. Et juste, j'ai une question. Vous le comparez à Verratti en disant bon, voilà, que c'était pas non plus de son niveau. Justement, Bordeaux fait pas la course pour les places avec des champions, mais fait la course quand même pour les places à l'Europa League. Est-ce que pour vous, c'est un joueur du niveau Europa League, du niveau poule de Ligue des Champions, et on se base à quel niveau là? Pour Otavio, c'est le niveau Europa League, oui, ça c'est certain. Après, niveau Ligue des Champions, je ne sais pas encore. Aujourd'hui, tout dépendra de son adaptation au football européen, parce qu'on sait très bien qu'il y a des différences entre le football brésilien et le football européen, notamment dans l'intensité. Mais si aujourd'hui on le mettait en Europa League, il a forcément exactement le niveau pour s'imposer dans cette compétition et avoir le niveau requis tout simplement pour la coupe d'Europe, notamment l'Europa League. Oui, vous parlez de Verratti, un autre joueur petit comme ça qui a une forte activité et qui a vite progressé, c'est Kanté. Est-ce que la façon dont vous m'en parlez, quelqu'un qui a une forte activité, est-ce qu'il pourrait se rapprocher aussi du style de jeu de Kanté? Oui, effectivement, on peut comparer les deux joueurs. Alors, on prend toujours des pincettes et on veut pas les mettre au même niveau, hein, bien évidemment. Oui. Mais c'est un peu ce style de joueur-là, c'est-à-dire un joueur infatigable au milieu de terrain qui est aussi agressif sur le porteur du ballon et qui arrive souvent à porter le jeu vers l'avant. Donc, même si c'est pas sa fonction première, c'est que c'est une option dans sa palette de jeu qu'il est capable de faire. Et il semble avoir une marge de progression ou pas, ou sent que c'est quand même limité. Enfin. Il est presque à son sommet déjà. Non, je pense qu'il peut encore progresser, notamment, comme je vous l'ai dit, sur le système de jeu européen, sur l'intensité, même si ça, je pense qu'il devrait l'avoir. Et aussi, il a encore des points à améliorer, notamment son jeu long. Aujourd'hui, il a encore des insuffisances peut-être à ce niveau-là, sur le jeu long, le jeu de passe long. Mais après, je pense qu'il a encore la possibilité de progresser et vraiment de s'imposer comme l'un des meilleurs, déjà dans un premier temps en Ligue 1, à ce poste-là. Et après, pourquoi pas viser plus haut. Mais sur le, juste deux petites secondes. Sur le jeu long, vous le compariez à Mendes, qui justement, lui, a éclairé le match de ce week-end, justement, par son jeu long. Donc, est-ce que finalement, on peut être surpris par Otavio ou pas, à ce niveau-là, puisque vous le compariez tous les deux? Oui, alors, quand je parlais de Thiago Mendes, c'était surtout aussi sur l'influence qu'il peut avoir sur le jeu au milieu de terrain et sur la débauche d'énergie qu'il peut y mettre. Après, c'est vrai que sur ces deux styles de joueurs-là, sur ces deux profils-là, le jeu long, bien évidemment, est plus intéressant pour Thiago Mendes que pour Otavio, puisque là-dessus, il a un cran en dessous. Mais c'est vrai que sur la partie, on va dire, physique, sur la partie intensité, sur la partie agressif et activité au milieu de terrain, ces deux joueurs-là peuvent être comparés. Est-ce qu'à part les Girondins de Bordeaux, il y a un club en particulier qui a été insistant pour le recrutement d'Otavio, ou est-ce qu'il y a des clubs qui étaient intéressés par son profil justement dans le but d'un recrutement pour cet été? Pour cet été, non. Clairement, ça a été la vraie surprise du côté du Brésil, puisque Otavio, on ne l'avait pas annoncé du côté de l'Europe cet été. Par contre, l'année dernière, il y avait certaines formations italiennes et deux clubs russes qui étaient intéressés à lui. Ouais. C'était l'été dernier, puisque Otavio avait été convoqué avant les Jeux Olympiques avec la sélection olympique brésilienne, même si lui n'a pas été convoqué à la fin pour les JO. Et donc, il avait déjà pu attirer certains recruteurs européens. Donc, Mais justement, c'est ça qui me... Il y a cette bipolarité qui fait que, d'un côté, on dit que... Enfin, vous venez d'annoncer que Otavio était un profil qui était hyper intéressant au milieu défensif. Il faisait partie pour vous des deux meilleurs milieux défensifs du championnat brésilien. Et de l'autre côté, on a une seule offre qui vient de la part des Girondins de Bordeaux. On pourrait s'étonner du peu, voire du pas d'offre du tout, dont a suscité Otavio durant ce mercato estival. Oui, alors après, est-ce que le club de l'Atlético Paranaense, suite au refus de la saison dernière, avait un peu découragé les clubs européens? Faut voir aussi de ce côté-là. Est-ce qu'il n'avait pas mis l'année dernière, notamment, la barre trop, même si là, le transfert, c'est pour moi une très bonne affaire pour Bordeaux. Là, on peut se poser des questions. Maintenant, il faut savoir que l'Atlético Paranaense, la saison dernière, enfin cet hiver, a perdu Hernani, qui était le milieu relayeur, qui était le coéquipier privilégié d'Otavio. Et peut-être Paranaense a peut-être fermé la porte à certains clubs assez rapidement dans les négociations depuis le début de l'année. Même si là, je pense aussi que le fait que la situation sportive de l'Atlético Paranaense depuis quelques semaines est en chute libre, a peut-être favorisé aussi son départ. Ouais. Peut-être que les dirigeants se sont montrés moins insistants pour le conserver. On a une question sur le chat de la part de Thomas qui nous demande si vous pensez qu'avec les 30 matchs déjà effectués par Otavio dans le championnat brésilien, s'il est capable de tenir la saison entière avec Bordeaux, puisque Bordeaux débute son championnat uniquement depuis hier. Ah mais là, ça c'est la grande inconnue concernant les joueurs brésiliens qui arrivent en cours de saison, puisqu'ils ont déjà effectué une pré-saison au mois de janvier et qui ont surtout pour Otavio effectué énormément de matchs, notamment avec la Copa Libertadores. Donc là, il faudra voir comment le joueur va pouvoir gérer et encaisser cette adaptation au football européen et s'il pourra être constant sur toute l'année. Maintenant, c'est encore un jeune joueur, il a 23 ans et par saison, il dispute entre 60 et 70 matchs. Donc on peut espérer qu'il puisse aussi tenir le coup et le rythme du côté de Bordeaux, notamment qu'il n'y aura plus de Coupe d'Europe cette année. Donc il est possible que ça puisse le faire pour lui. Il pourrait tirer la langue d'ici le mois de décembre. Peut-être sur la fin, effectivement. Après, tout dépendra aussi de comment on va l'utiliser l'entraîneur, Jocelyn Gourvennec, et surtout aussi au niveau de ses conditions physiques, comment le staff médical va pouvoir le comprendre et voir peut-être le laisser respirer de temps en temps. Moi, je voulais savoir, vous avez dit que c'était une bonne affaire pour les Girondins. On parle de prix avoisinant les 5 millions, voire 7 millions plus pour plus bonus. Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que c'est une somme qui est raisonnable ou vous pensez que... Enfin, soit que Bordeaux a fait une qui a trouvé un super transfert avec prix peu, enfin pas cher, ou est-ce que vous pensez que Bordeaux, enfin, a un peu payé le joueur un peu trop cher? Ah non, pour moi, Bordeaux a fait une très bonne affaire puisque, alors j'ai vu que dans la presse française on parlait de 5 millions et au Brésil on parle de 7 millions, alors ça fait 5 millions fixes plus des bonus jusqu'à 2 millions d'euros. Mais la saison dernière, quand on parlait d'un transfert ou d'un départ d'Otavio du côté de l'Europe, le club de l'Atlético Paranaense ne voulait pas négocier moins de 10 millions d'euros. Donc aujourd'hui, on est quasiment à la moitié pour Bordeaux. Donc selon moi, ils ont fait une très bonne affaire, puisque c'est vraiment un joueur qui, par ses qualités, mérite sûrement un peu plus que les 5 millions d'euros. Et est-ce que ce joueur, en venant à Bordeaux, est-ce que vous savez si Bordeaux aura la possession du joueur à 100% ou est-ce qu'il y aura encore des pourcentages comme avec Malcolm au Girondin? Normalement, de ce que j'ai pu voir sur la presse brésilienne, de ce qui se dit, normalement, le Bordeaux va acheter les 100% du joueur. Donc là, il n'y aura pas de pourcentages qui resteront du côté de l'Atlético Paranaense. Après, là, tout reste aussi à confirmer, parce qu'on sait souvent que sur ce dossier-là, il peut y avoir quelque chose de nébuleuse. Donc à confirmer dans les prochains jours par les Girondins et aussi par l'Atlético Paranaense. Alors là, si on enchaîne un tout petit peu sur le mercato des Girondins, justement après Otavio, il y a des rumeurs insistantes qui se font du côté de Bordeaux sur un joueur qui s'appelle Cafu, qui joue du côté de Ludogorets. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler du joueur quand il jouait dans le championnat brésilien avant son départ pour le championnat du Gard, si je ne dis pas de bêtises? Voilà. Oui, bien sûr. Cafu a évolué, enfin il s'est surtout révélé du côté de Ponte Preta en 2014, un petit club, le club paulista, l'ancien club de Pablo. Et il avait ensuite rejoint Sao Paulo en 2015, mais ça n'a pas été un franc succès pour lui. Clairement, il a très peu joué lors de cette saison 2015 avec Sao Paulo, qui n'a pas hésité à le vendre ensuite à Ludogorets. C'était lors du second semestre 2015 en Bulgarie. Il me semble qu'il était pour 3 millions d'euros à l'époque, ce transfert-là. Et c'est pas un joueur qui a marqué les esprits du côté de Sao Paulo, clairement. Il ne faisait pas partie des titulaires de Sao Paulo à cette époque-là. Et le fait qu'il réussisse aussi bien du côté de la Bulgarie a étonné de nombreux observateurs et même de nombreux commentateurs du côté du Brésil, puisqu'on ne s'attendait vraiment pas à le voir performer, notamment en Ligue des Champions du côté de la Bulgarie. C'est un joueur qui est toujours suivi du côté du Brésil, justement, parce qu'il y a pas mal de joueurs brésiliens qui quittent leur championnat comme ça et qui brillent à l'étranger, notamment en Europe, et qui derrière suscitent l'intérêt de clubs brésiliens. À l'heure actuelle, c'est un joueur qui est suivi au Brésil? On parle d'un transfert qui tourne aux alentours de 8 à 9 millions d'euros. Est-ce que c'est pas quelque part hors d'atteinte pour les finances d'un club brésilien à l'heure actuelle? Oui, exactement. Pour les clubs brésiliens, aujourd'hui, c'est peut-être un montant trop important pour un joueur de ce niveau-là, j'ai envie de dire, puisque clairement, il n'a pas, comme je vous dis, là, au Brésil, à part du côté de Ponte Preta, il n'a pas vraiment marqué les esprits. Aujourd'hui, il est suivi au Brésil seulement par les anciens supporters de Sao Paulo, mais les autres formations n'ont pas vraiment de regard le concernant. C'est vrai qu'on parle de 8 à 9 millions d'euros. Cet hiver, il y avait la Lazio qui était sur lui notamment, mais le club ne l'avait pas vendu à ce moment-là. Pour moi, c'est étonnant tout de même de le retrouver à ce prix-là pour Cafu, parce que selon moi, alors ça reste que mon avis, mais il n'a pas les qualités, on va dire, suffisantes pour justifier un prix de 8 à 9 millions d'euros. Surtout que son contrat, avec qui il avait montré du côté de Sao Paulo. Maintenant, c'est vrai que du côté de Ludogorets, il a montré de très belles choses, notamment en Ligue des Champions. Mm-hmm. Mais je reste encore un petit peu sceptique concernant ses qualités. Oui, c'est surtout... ça peut être un bon pari pour les Girondins de Bordeaux, mais c'est plutôt au niveau du rapport qualité-prix, finalement, où la somme de 8 à 9 millions paraît peut-être un peu élevée par rapport aux capacités du joueur. Ah, très clairement, très clairement. Là, le prix que s'apprête à payer, si jamais ça se fait par Bordeaux, me paraît encore un peu trop élevé. Maintenant, je vous souhaite effectivement de réussir et de tout péter du côté de Bordeaux, mais voilà, il y a encore quelques interrogations concernant son niveau, notamment aussi sur la partie intensité et physique. C'est un joueur qui a été souvent aligné en pointe par Ludogorets, mais aussi côté droit, et il s'est plus démarqué par son sens de la passe que du but. J'ai vu qu'il avait inscrit toute compétition confondue la saison dernière 14 buts, donc c'est pas un vrai buteur, c'est pas un vrai finisseur. Mais de par ses qualités de vitesse et d'explosivité, sur un côté, il peut faire des différences. C'est toujours plus que tous les joueurs bordelais. Hein. Il n'y a aucun joueur bordelais, attaquant compris, qui a atteint ce... Alors, ils ne jouaient pas 40 matchs parce qu'ils ont tous quasiment partagé, que ce soit Roland et Laborde, qui ont été deux principaux joueurs en attaque. Mais des deux, je crois que c'est 6 ou 7, donc on n'atteint pas. Vous nous dites 14, c'est pas un bon buteur. Un buteur qui a atteint 14 buts à Bordeaux, je crois qu'on a eu Diabaté, et puis avant on a eu Kavenaghi. Donc, Oui, après, il faut remettre en perspective aussi que c'était 14, le championnat bulgare. C'est vrai que le niveau est différent aussi. Et ce sera aussi un bon test pour lui, hein, clairement, de le voir du côté de la Ligue 1. Et si jamais il signe, comment il va pouvoir s'en sortir. Après, comme je vous l'ai dit, je pense pas que ce soit un vrai buteur, donc j'espère qu'il sera pas attendu comme le vrai numéro 9 que Bordeaux. Il est sur la liste pour remplacer Ounas et Ménès. Donc on s'apparente plus à un joueur utilisé. Il est prévu pour jouer à gauche, donc voilà. Droitier. Il a la capacité de jouer à la fois sur l'aile droite et sur l'aile gauche. À Ludogorets, en tout cas, c'est comme ça que ça passe. Il part du côté gauche pour repiquer dans l'axe, un peu comme le fait Malcolm sur son aile droite. Grosso modo, c'est le plan. Quoi. Par rapport à Malcolm, on est aussi fort, moins fort, plus fort que Jonathan Cafu. Cafu par rapport à Malcolm, ouais. Si on pouvait faire la comparaison, puisqu'au moins Malcolm c'est un joueur qui parle à tous les supporters bordelais, puisque c'est l'attaquant un petit peu vedette des supporters en ce moment. Selon moi, Malcolm est quand même au-dessus aujourd'hui par rapport à Cafu, que ce soit par ses qualités de dribble, même de puissance. D'après moi, je pense que Malcolm est encore au-dessus de Cafu. Ok, et Camano, si on prend son penchant, puisqu'il serait plutôt mis en concurrence avec Camano. Je pense que Cafu, alors c'est comme je vous dis, ça reste que mon avis, mais un peu plus supérieur à Camano. Maintenant, il faudra voir aussi comment il s'intègre au jeu de la Ligue 1 et au jeu de Bordeaux. Est-ce qu'il aura besoin de plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour s'imposer comme titulaire dans cette équipe? Mais en termes de niveau, oui, je pense qu'il est un peu meilleur que Camano. Mais c'est tout de même quand même un pari risqué, parce que quand on évoque quand même la somme de 8 à 9 millions d'euros, pour un mec qui est censé venir concurrencer Camano, j'ai bien peur que soit, sauf surprise vraiment extraordinaire et que le mec se révèle être parfaitement adapté au championnat de Ligue 1, et dans ce cas-là, on aura fait une super pioche. Après, il a 26 ans, donc il n'aura pas non plus une capacité contrairement à Camano, etc., c'est quand même un attaquant qui a des matchs en termes d'expérience. C'est un petit peu ce qui fait quand même défaut de l'attaque bordelaise. Ah oui. Un attaquant de 26 ans, je suis d'accord. Il sera le plus vieux, le plus expérimenté. Quelqu'un qui met 14 buts, même si c'est dans un grand championnat, enfin, les caches restent les mêmes. Donc il faut aussi avoir un petit peu d'adresse. On a beaucoup critiqué par exemple Camano sur ses dernières prestations, avec ses frappes pas assez appuyées ou maladroites, ou même l'occasion qu'il rate du 3-1 contre Angers. Moi, 14 buts. Bien sûr. C'est pas un buteur à la Cavani qui te met 30 buts par saison, mais on sait pas ce qu'on achète non plus. Après, c'est championnat bulgare, attention. Ouais, mais enfin, tu sais, championnat bulgare. Star de son équipe, ouais. J'ai envie de te dire, on s'est fait sortir par Vidéoton. Oui, tu oui, vois, non, mais je partage ton analyse. Et l'attaquant qui nous a mis misère au match retour vient du championnat bulgare. Donc j'ai envie de te dire, quelque part, je m'en fous un peu qu'il vienne de Bulgarie. Mais il faut faire attention parce que aussi, c'est peut-être la star de son équipe et l'équipe joue aussi peut-être pour lui. Ça veut dire que nous, Camano, Malcolm et Laborde, l'an dernier, n'avaient pas des stats folles. Mais c'est normal parce que, en fait, ils étaient tous les trois décisifs et ils se partageaient un peu cela. Et on n'était pas dépendant d'un seul joueur, c'était un trio. Après, comme il dit, 10 millions, c'est peut-être beaucoup. Et peut-être que dans le championnat brésilien, il y a d'autres joueurs qui seraient moins chers et plus intéressants. Ils seraient aussi extra-communautaires et qui vont poser un problème. Il n'y a pas que des Brésiliens non plus. Oui. Comme ça. Jean-Chopin brésilien. Non, il n'y a pas forcément que le championnat brésilien non plus. Après, lui, il a l'avantage de ne pas être que brésilien, d'avoir aussi le passeport bulgare. Et je voulais savoir, au sujet de Cafu, est-ce que c'est plutôt un joueur qui va pousser le ballon, courir après et mettre vitesse aux défenseurs? Ou est-ce que c'est plutôt un joueur qui va poser le ballon et plus se faire... Enfin... Traduction, est-ce que c'est un tout droit qui court vite ou est-ce que c'est un joueur tactique et technique? Ouais, plus technique. J'ai envie de dire que c'est un joueur tout droit. C'est vraiment un joueur qui fait des différences mais par son accélération et sa vitesse. Il y a une qualité de dribble aussi, bien évidemment. Mais oui, c'est plutôt un joueur... oui, en tout cas, moi, où je l'ai trouvé plus performant, c'était sur un côté. Et c'est là-dessus où il arrive à faire des différences. Maintenant, c'est vrai que c'est pas tactiquement aujourd'hui. Il faudrait voir comment il puisse s'intégrer dans le jeu de Bordeaux et comment il peut intégrer et digérer cette adaptation au football français. Après, c'est pas encore fait. On parle beaucoup de Cafu, oui, mais il nous dit que Bordeaux n'a pas d'autres pistes. Mais concrètement, vous seriez à la cellule de recrutement de Bordeaux, dossier que vous appuyez ou dossier que vous mettez contrat de côté? Contrat ou pas contrat? À ce prix-là, non. À ce prix-là, non. Clairement, je pense qu'il y a vraiment mieux pour 8 à 10 millions d'euros, que ce soit en Europe ou même ailleurs. À ce poste-là. D'accord. On est d'accord. Moi, j'avais une question sur une personne qui est très influente au club des Girondins de Bordeaux. Donc, M. Martin le présente comme un recruteur des Girondins de Bordeaux. Moi, j'ai l'impression qu'il a quand même une fonction un peu plus importante et notamment qu'il a beaucoup de contacts au Brésil et en Amérique du Sud. C'est M. Camporo. Mmh. Comment vous pouvez décrire ce personnage, anciennement directeur sportif des Girondins de Bordeaux, mais qu'on a perdu un petit peu sa trace depuis son départ au Brésil? Est-ce que vous pouvez nous le décrire un petit peu depuis qu'il est au Brésil, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes capable de ça déjà? Je ne le connais pas personnellement, pour être totalement franc avec vous. Maintenant, je sais, pour avoir discuté avec de nombreux joueurs brésiliens passés par Bordeaux, comme Vedel ou même Henrique, que c'est une personne encore influente du côté de Bordeaux au Brésil. C'est un peu lui qui scrute et qui regarde les joueurs et qui informe le club bordelais sur les joueurs brésiliens. Donc il a même un carnet d'adresses et un réseau qui est important au Brésil. C'est un joueur qui, je pense, c'est une personne plutôt qui, je pense, travaille bien et qui effectue un travail de fond au Brésil à chercher des nouvelles stars, mais des joueurs prometteurs comme pour Otavio. Je pense que c'est lui aussi qui a dû... Malcolm, c'est comme ça. Malcolm, voilà. Donc c'est quand même une personne qui a su avoir le nez creux sur certains dossiers. Après, sur d'autres, bien évidemment, on peut se tromper. Personne n'est parfait. On l'a vu, et heureusement, moi, je le dis clairement, mais pour Wellington Silva, heureusement que pour Bordeaux, ça ne s'est pas fait. Parce que clairement, à ce prix-là aussi, c'était... Vous croyez que c'était une erreur? Voilà, exactement. Mais sur son implication et sur ses connaissances du football brésilien, je pense qu'il est performant. Et en tout cas, pour en avoir discuté avec certains anciens joueurs bordelais, c'est quelqu'un qui a encore un bon réseau au Brésil. D'accord. Ben, on vous remercie, Monsieur Bélif, pour ce temps passé avec nous. C'était très instructif. Très instructif, exactement. Ouais. On a pu vraiment apprendre. Si jamais on a pas qu'à fou, mais notre Brésilien, On invite vraiment tous nos auditeurs et tous ceux qui écouteront le podcast à venir visiter votre site Samba Foot. Et vous êtes aussi sur SFR Sport, c'est ça? C'est ça, oui. Pour les matchs sud-américains, donc Copa Libertadores et Copa Sudamericana. J'interviens comme consultant pour ces rencontres-là. Écoutez, les explications étaient très claires et c'était très... C'était un plaisir. Vous passez du côté de Bordeaux, ben on vous offrira un verre de vin. je regarde le message et il n'y a pas de souci. Si je suis de passage, je passerai faire un petit coucou. Merci beaucoup. Bonne journée. Et on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut le voir avec modération. On est à Bordeaux, on a le droit. Avec modération. Alors, messieurs, l'interview de Pierre Ménès dure exactement 19 minutes. Ouais, j'ai du mal. C'est pas le frère de Ménès. Donc, il nous reste 20 minutes, ce qui fait qu'à 22h pile, on lance la pause. À 22h10, on est de retour, on parle d'Angers. Donc là, on va partir sur l'interview du consultant de Canal+, journaliste sportif. Et on se retrouve. juste après la pause et on parlera d'après match. Pas tapé. Angers-Bordeaux, deux buts partout. Et je ferai pas l'affront de dire les buteurs de Angers parce que je ne connais plus. Et Guillaume. Non, c'est pas Toko Ekambi, c'est Guillaume. Pour se carrer, Guillaume et Fulgui. Vous avez autant de mal que moi, vous ne me rien dire. Allez, à tout de suite sur RG à Bordeaux en 90.7 et sur le net sur rgfm.fr et girondin33.com/écoutezga. Si jamais vous avez des petits soucis de coupure, ben vous avez TuneIn, enfin RG à peu près partout sur toutes les applications mobiles pour écouter la radio et surtout sur la FM. Allez, à bientôt.